Hello Karim, salut, c'est Zax. Bon, c'est quand tu me coupes les cheveux là? J'ai rendez-vous avec ma nerf. Bon, j'espère t'en faire une belle coupe, hein. Ça assure. Pour 25 balles, tu fais la coupe. Bouge pas, j'appelle la troupe de la cité. Rime bien, ça va te permettre d'encaisser. C'est vrai, de jour en jour, les touffes n'arrêtent pas de s'aggraver. Quand je vois tout ça, je suis en train de m'étouffer, car à l'horizon, je ne vois plus rien. Les gars, je vais vous dire une chose, tout ça c'est pour votre bien. Pour peu d'argent, voulez-vous redevenir élégant? Karim, je t'en prie. Bon, ça passe pour cette fois. Ton deux en main, c'est reparti. Les mecs ont besoin de reprendre goût à la vie, car être beau est l'un de leurs désirs. Coup de ciseau pour le saut, à prendre jour de plaisir. Et les mecs, cette coupe ne fait que vous embellir. Dans la rue, les filles ne comprennent plus. Ah ouais? Alors je sais, mec, elles ne les avaient jamais vues. J'insiste, Karim, coupe-leur les cheveux. J'insiste, et comme ça, tu feras, oui, des heureux. Coupe les cheveux, coupe les cheveux. J'avais la touffe à la tchoubane, une coupe de cheveux en pétard. Je mettais la casquette pour pas que l'on voit ma tête. Tout le monde me disait, Karim est en tôle. Non, détrompez-vous, cela faisait 3 mois que je lui posais des rendez-vous. 3 mois qu'il me posait des lapins. Comprenez-vous pourquoi ma tête demandait à être taillée? Comprenez-vous pourquoi ma mère n'arrêtait pas de criser? Elle me disait, oui, dis, leur couper les cheveux. Je lui disais, maman, ça y est, je vais y aller. Je me suis fait 3 trous, regarde la coupe que j'ai. Il n'y avait que la boule à zéro qui puisse me sauver. Je pouvais pas aller au boulot comme ça, donc j'ai posé des congés. Coupez les cheveux, non, coupe-moi les cheveux, non, coupe-moi les cheveux, non, coupe-moi les cheveux, non, coupe-moi les cheveux, non, coupe-moi les cheveux. Non, moi les cheveux. Non, moi les cheveux. Personnellement, j'en ai assez de couper les cheveux des mecs qui ont pour but de me saouler à longueur de journée. Allez, le premier, le gars à peine assis voudrait que ce soit fini. Son frère Kader est bien que lui, à peine installé. Tu sais ce qu'il me dit? Eh, tu peux pas monter un peu plus, c'est dégradé là. Mais arrête de me prendre la tête, je viens de commencer. Car si tu continues, je vais vraiment te rater. Car si tu continues, je vais te saccager. Couper les cheveux, non, couper les cheveux. Coupez les cheveux, je t'ai dit non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, j'ai dit non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, vous êtes non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, je t'ai dit non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, non. Coupez les cheveux, je vous ai dit non. Coupez les cheveux, non. Solo là, ok, brave.